Thank you.

Est-ce que tu m'entends? Attention, attention, est-ce que tu m'entends? 1, 2. Un, deux, trois. Est-ce que tu m'entends? Oh là, pas beaucoup de watts là. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Si je peux t'aider. Est-ce que je peux t'aider? Déjà, on va passer en 8. On va faire en 4. En 4, on peut pas. Alors. J'entends bien un petit peu de... Attends, je vais arrêter le métronome parce que c'est chiant. Tac, voilà. Alors, j'entends un petit fond. Tout à l'heure, j'ai entendu un petit peu de guitare. Je pense qu'il doit... Ah, mais attends. Est-ce que tu peux jouer pour moi? J'ai du souffle, là, tout de suite. Je sais pas comment t'es branché. Est-ce que tu utilises une carte son? Est-ce que tu utilises... Table de mixage dans un ordinateur. Et est-ce que tu m'entends encore? Parce que j'ai l'impression que t'es parti. Il est parti, Milarta. Milarta. Milarta. Milarta. Milarta. Tiens, fais voir si je vais mettre. Hey. Hey. Ça, c'est du délai. Oh. Hey, oh. Effacer. Tac. Reset. Hey. Hey. Wow. Wow. Hey. Pourquoi ça fait ça? Hey. Oh. Hey. C'est quoi ce délai? Ah ah ah. Ça y est, j'ai du son. Ah ah. Ça y est, j'ai du son là. Alors, est-ce que tu m'entends? Déjà. Est-ce que tu m'entends? Parce que moi j'entends un son avec. Avec. Ouais, ça c'est un problème de la de pilote Azio. Tu n'as pas un mic. Tu vas nous niquer les oreilles. Alors fais attention quand tu débranches ou que tu rebranches des trucs parce qu'on t'entend en fait. Alors heureusement sur Jamtaba il y a une fonction pour baisser le volume quand les gens jouent trop fort. Ou... Tu devrais essayer Jamtaba. D'ailleurs Jamtaba tu n'as pas besoin d'une botte hein, normalement. Tu n'as pas besoin de Reaper. Ça fonctionne.